Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va bien? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 577. On est le 1er novembre 2023. C'est un jour férié et comme c'est un jour férié, eh bien je suis payé double à la radio, donc je vais faire 4 heures. Oui, je suis bénévole à la radio, je vous le rappelle. Donc ça va pas faire très lourd. Bon, c'est pas grave. L'album de la semaine, c'est Rock and Roll, puisque ça va être Run, David, Run de Paul McCartney en 1999. On écoutera un petit peu plus d'extraits que d'habitude. Ouais, j'ai triché parce que les titres ne sont pas très longs. J'en ai donc rajouté un. Et on écoutera She Said Yeah. On écoutera également Run, David, Run, forcément. Try Not to Cry. No Other Baby. Coquette. I Got Stung. Et également All Shook Up. Donc, extrait du même album, Run, David, Run. Il y aura également du Lennon avec It's So Hard sur Imagine en 71. George Harrison nous comptera l'extraordinaire Wow Wow, sorti en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, il sera dans la lignée de Run, David, Run, puisque lui, il chantera Devil Woman en 1973 sur l'album Ringo. Il y aura aussi les Beatles. On commencera par Rock'n'Roll Music. Voilà pour une toute petite partie du programme. C'est les 5 premières chansons, plus les chansons extraites de cet album-là. Je vous convie à aller voir faire un tour du côté du groupe Facebook La Saga des Fab Four sur www.rgfm.fr. On se retrouve là et on parle, on commente ou on écoute et voilà, ça se passe très bien en général. Et donc, je vous retrouve à cet endroit. Je vous souhaite une très très très très bonne soirée à l'écoute de RIG. N'oubliez pas que le mercredi soir, que vous mangez une crêpe à Talence, salut tout le monde, et où que vous soyez chez vous tranquillement assis sur un canapé en train de regarder la télé, mais sans son, et d'écouter la saga des Fab Four, eh bien c'est sur RIG que ça se passe puisque c'est la soirée des Beatles entre 20h et 22h chaque semaine, chaque mercredi de septembre à juin. On commence tout de suite Rock'n'Roll avec She Said Yeah sur RIG.

Joker en 1973 sur son album Ringo. Depuis le début de cette émission, on a écouté Paul McCartney She Said Yeah sur l'album Run David Run. Il y a eu également It's So Hard de John Lennon sur Imagine en 71. George Harrison nous a chanté Wow Wow en 70 sur l'album All Things Must Pass. Puis Ringo Starr, un instant, Devil Woman sur l'album Ringo. Avant d'écouter les Beatles et rock and roll music, il vous faut tout savoir sur les Beatles grâce à un groupe, grâce à une adresse. C'est le Beatles Magazine de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Telle est la question. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Against modern jazz, unless you're tired of playing too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my love on over across the tracks. They had a jubilee. Then Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, The Rock and Roll Music, les Beatles, en 1964. Quelle belle année. Sur l'album For Sale, qui en français est assez marrant, puisque on peut lire For Sale avec une faute d'orthographe à fort. Mais bon, voilà, ça m'a toujours fait rire. Quand j'étais aux États-Unis, je voyais sur les voitures For Sale. Je me disais, ah oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu sale quand même. Bon, ça n'a aucun rapport. On reste dans la saga des Fab Four, si vous le voulez bien, avec l'album de la semaine. En 1999, Paul McCartney a perdu depuis peu sa femme Linda, morte hélas d'un cancer en 1998. Et lorsque Paul McCartney est mal, il se réfugie dans la musique. Il se réfugie la plupart du temps même dans le rock de base. Et il nous pond cet album-là en 1999, premier album post-Linda, si on veut dire quelque chose comme ça. Et cet album a fait une chanson Run Devil Run sur RIG. Le voici. Run Devil Run, the angels having fun, making winners out of sinners. Run, devil, run. saga des Fab Four va souhaiter un bon anniversaire au hasard à Géraldine Danon, qui a 54 ans aujourd'hui. Toni Collette, 50 ans, est là. Il y a également, je cherche des gens que je connais, Thierry Moreau, 58 ans, Valérie-Anne Giscard d'Estaing, 70 ans, Jacques Attali, 80 ans, Fabrice Lucchini, 72 ans. Allez, je vous en cite un dernier, histoire de finir cela. Salvatore Adamo, 80 ans. Voilà. Et pour leur souhaiter un bon anniversaire, rien de tel que Birthday des Beatles. Et puis si vous êtes né le 1er novembre aujourd'hui, bon anniversaire à vous. I don't want, for I have got extrait de l'album Help Another Girl en 1964. Là, je vous propose de remonter les années jusqu'en 1975. 5 ans que les Beatles se sont séparés. Et déjà, bon, ça avait commencé en 73, seulement 3 ans après, lorsque John, George et Paul sont venus aider Ringo, presque séparément, mais enfin bon, quand même, ils étaient déjà là. Et là, en 1975, John Lennon sort l'album Rock and Roll, et puis il va rester 5 ans tranquillement chez lui à s'occuper de Sean, son deuxième fils. Mais sur la dernière chanson, Just Because, il y a un petit clin d'œil à ses copains. Vous l'entendez dans la deuxième partie que j'ai mis à enchaîner, Just Because, sur RG. I remember this. Je me souviens de ça. Why? Pourquoi? Je devais avoir 13 ans quand c'est sorti. Peut-être 14. Ou alors j'avais 22 ans. Ceci dit, j'avais peut-être 12 ans. Tell me so. vous avez acheté l'album en 1975, il n'y avait que ça. La chanson se terminait comme ça. Mais lors de la réédition CD, quelques années plus tard, je ne sais pas exactement ça, on a eu le droit à un bonus, Just Because, la reprise. Et là, il cite ses potes. Écoutez. Surérigé dans la saga des Fab Four, c'est la saga des Fab Four numéro 577 déjà sur cette radio, mais elle existe depuis longtemps parce qu'elle existe depuis 1984, cette émission de radio. Et l'année prochaine, au mois d'avril, on fêtera les 40 ans de cette émission. Je compterai sur vous pour me laisser des messages, peut-être pour appeler, on verra ce qu'on fera, pour fêter dignement ces 40 ans parce que c'est quand même assez rare. Je vous propose d'aller en 1981 sur l'album de Ringo Starr, Stop and Smell the Roses. Une chanson écrite par Paul McCartney pour son pote Ringo. Voici Attention sur RIG. Everybody needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention, attention, attention for a while. Come on, baby, give it all you've got. Get into the power of the ball. You know we'll only get it if we try. Give me your attention for a while. Attention for a while. Je vous l'ai dit, pour l'album de la semaine, Paul McCartney décide de revenir à ses racines, les chansons qu'il aimait entendre dans les années 50. Il n'a pas choisi les chansons les plus connues, mais il n'a pas résisté non plus à l'envie d'introduire dans son disque des chansons à lui. Il le fera plusieurs fois, trois fois, je crois. Et ça passe tellement bien qu'on se dit, tiens, celle-là, elle était connue dans les années 50, je ne me souviens pas de qui est cette chanson. Eh bien, elle est de Paul McCartney. En voici un exemple. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. How can I help it, but don't know the song. All day I try to be a man. Help me to do it, show me the plan. I want to enjoy being alive. Don't want to leave before I arrive. I like to sing, I sing along. How can I do it if I don't know the song? Comme on dit, ça passe crème. Revenons en arrière, 1973, sur l'album Living in a Material World, voici la chanson éponyme. Peut-être qu'elle a donné son nom à l'album, ou c'est le contraire. Peut-être que l'album a donné son nom à cette chanson. Living in a Material World par George Harrison sur RIG. Là, vous verrez que, avec un jeu de mots, il parle de John Lennon, de Paul McCartney et surtout de Ringo. Clearer after living in the material world. la blague est très légère et très rapide. Hein. Il parle du monde matériel par rapport au monde spirituel. Il dit qu'il a rencontré John et Paul dans le monde matériel. Et puis, c'est là que se place le petit gag. « We got Richie on a tour ». On est devenu riche en faisant des tournées. Mais Richie est également le prénom Richard, l'un des diminutifs, enfin si on veut, c'est aussi long, de Richard, Richard alias Ringo. Donc « We got Richie on a tour », on a eu Richard pendant les tournées, voilà, en faisant des tournées. C'est aussi simple que ça. C'est l'humour de George Harrison, qu'est-ce que vous voulez ? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Your lips are moving, I cannot hear. Your voice is soothing, but the words aren't clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking through you, you're not the same. Why, tell me, why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing all the night. You're thinking of me the same old way. You were above me, but not today. The only difference is you're down there. I'm looking through you, and you're nowhere. Why, tell me, why did you not treat me right? Nasty habit of disappearing all the night. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Yeah, oh, baby, you changed. Éric Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. We don't love to change. question des Beatles. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on entend la chanson, on se dit « mais ils jouaient à fond, c'était super fort ». En fait, ils jouent tranquillement, mais les vues maîtres sont poussées dans le rouge. Et quant à Ringo Starr, il fait « tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout ». Donc tranquille, c'est une chanson violente, mais douce à la fois. Celle-ci, elle est douce. « Bless You », John Lennon, en 1974, sur l'album « Walls and Bridges ». C'est la radio des Beatles, le mercredi soir, entre 20h et 22h. Avec une chanson de l'album de la semaine. L'album, c'est Run, Devil, Run de Paul McCartney en 1999. Et ce titre, No Other Baby, sur RIG. Penser à Linda en chantant cette chanson-là. Paul McCartney à l'instant sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 577 sur RIG, qui est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. D'ailleurs, à partir de 22h, ce sera Eric et Johnny de A à Z avec, comme d'habitude, d'excellents morceaux de Johnny Hallyday. Nous en sommes, nous, à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation, même si eux-mêmes reprennent quelqu'un, hein, du moment que les quatre l'ont chanté, c'est la cover que vous allez entendre, la cover chantée par quelqu'un de connu ou pas. Ça pourrait être vous si vous me fournissez la chanson. Là, cette fois-ci, ce sont les Blue Beatles qui vont nous faire un morceau des Beatles, justement. C'est sorti en 2017, un album s'appelle tout simplement Blues Beatles. J'ai dit Blue Beatles, c'était Blues Beatles, d'accord ? Blues Beatles. Et le morceau s'appelle Yellow Submarine, version Blues Beatles. Faire un reproche à l'équipe de Paul McCartney, de Ringo Starr, enfin bref, ceux qui s'occupent de l'héritage Beatles, avec les héritiers de George Harrison et de John Lennon. Bref, parce que sortir Now and Then, que l'on attend tous depuis 40 ans, ou un peu moins, ou un peu plus, sortir ça demain, alors que s'il avait sorti aujourd'hui, c'était dans la saga des Fab Four, c'est dur. Ils auraient pu me l'envoyer à moi et je vous l'aurais proposé. Alors, pour faire passer la pilule, je vous propose la version que nous connaissons, qui date de 2009, par un internaute soi-disant. La vraie version, la version différente, ce sera demain. Donc dans la prochaine saga des Fab Four, c'est sûr. petite explication sur ce à quoi on doit s'attendre pour demain. Lorsque John a enregistré sa version de Now and Then, il avait son petit piano, sa boîte à rythme, et il enregistrait sur un magnétophone, donc la voix et la musique en même temps. Paul McCartney, enfin les ingénieurs en tout cas, ont demandé à l'intelligence artificielle de séparer la voix et la musique. C'est-à-dire que on ne modifie pas la voix de John Lennon, mais on dit à l'intelligence artificielle, la voix de John Lennon, c'est ça. Tout ce qui n'est pas ça, tu l'enlèves. Donc la voix, paraît-il, est pure et donne l'impression que John vient de la chanter. On verra ça demain et on verra ça la semaine prochaine. Mais j'en attends quelque chose de très très bien fait, j'en suis persuadé. Et pour se redonner un petit peu le goût des nouveaux morceaux des Beatles, je vous propose à l'envers, puisqu'on a fait Now and Then, on va faire Real Love et Free as a Bird sur RIG. Là, ce sont les versions que l'on connaît sur les anthologies. Peu de magie sur RIG 90.7. C'est ma préférée, Free as a Bird. Voici, qui donc? J'arrive pas à lire mon conducteur. Oui, les Traveling Wilburys, c'est en 1988 sur Traveling Wilbury, le volume 1. Et le titre que je vous propose dans la saga des Fab Four, c'est Heading for the Light sur R.I.G. Passe vite, plus qu'un peu plus de 30 minutes d'émission, donc on accélère avec l'album de la semaine. L'album c'est Run Devil Run par Paul McCartney en 1999 et ce titre Coquette sur R.I.G. Ça sent le Fats Domino. Yeah. being here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Dear darling, the smile's returning to the faces. Been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Minutes, ce sera Here Comes Eric, du, du, du, du, avec son émission Johnny de A à Z. Ce sera Johnny en répétition de Paris à Los Angeles entre 1960 et 2015. Bref, tout un programme. As I write this letter, send my love to you.

très belle chanson signée George Harrison sur l'album Brainwashed en 2002. Avant-dernier extrait de l'album de la semaine, Elvis l'a chanté, Paul McCartney l'a fait encore plus forte, encore plus rock'n'roll. Voici I Got Stung sur RG. Holy smokes, land sakes alive, I never thought this would happen to me. J'ai voulu me faire plaisir. Le moment où il avait la voix la plus puissante, le super bon répertoire, bref, la voix rock de Paul McCartney en 1976 sur Wings Over America. Voici Call Me Back Again sur RG. Just a little baby boy. Every night I would call because your number brought me joy, sweet joy.

that's uncertain. After all I've been through, the one thing that's certain, that I know is true. Ça, c'était en 2005, extrait de l'album Choose Love sur RG. On a le temps juste, en se dépêchant de passer une dernière chanson, puisque je l'avais annoncé, donc je la passe. Voici Paul McCartney sur l'album Run Devil Run, et ce titre, All Shook Up sur RG. I'm feeling fine when I'm in the game. Did I love it? ravi de passer deux heures en votre compagnie et je vous laisse dans les mains chaudes de Eric pour Johnny de A à Z. À très très bientôt, merci d'avoir écouté et bonne semaine à l'écoute de programmes de RIG ou de ce que vous voulez et surtout demain. Demain, la chanson Now and Then qu'on retrouvera mercredi prochain obligatoirement. À très bientôt, ciao.